Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Les attentats suicides sont un grand danger pour les musulmans, qui leur portent gravement atteinte. Islah al-Ummah, réformation de la communauté. Et ce qui nous intéresse dans tout ceci est que ces attentats suicides causent beaucoup de dégâts et que de cela en découlent de nombreux dommages pour l'islam ainsi que les musulmans. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Et ces explosions conduisent indubitablement à tuer des femmes et des enfants, et également des innocents. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. Il est donc strictement interdit de se taire à ce sujet. Pire encore, de légitimer ses actes et de considérer son auteur comme étant un courageux et un brave. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Ceci n'est du coup Hamas, la fervente excitation, de même qu'à l'irréflexion, et n'est aucunement issu du livre d'Allah et de la Sunna. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commandé ses compagnons d'aller se tuer au milieu des mécréants. Il ne l'a pas fait lui-même, ni autre que lui parmi ses compagnons. Sermon numéro 28, Inkar al-Tafjir, la condamnation des attentats suicides. Il n'y a donc pas la moindre preuve provenant du livre d'Allah, ni de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui soit en faveur de ces gens concernant ceux qui disent et prétendent suivre en se basant dessus, si ce n'est le Hamas, la fervente excitation, de même que les passions. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Toute les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé dans ce lettre, Adam, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez de rompre les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions, et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée, et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, certes Allah tabaraka wa ta'ala n'a créé les êtres humains que dans l'unique but qu'ils l'adorent. Il ne les a fait exister que pour qu'ils lui obéissent et se soumettent à lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul-quwwati al-matin. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance, et je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. Certes, Allah est le grand pourvoyeur aux besoins, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et il a dit, Tabarak ismuhu, walahu aslama man fis samawati wal ardi, taw'an wa karhan, wa ilayhi yurja'un. Et c'est à lui, Allah, que se soumet tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, bon gré, mal gré, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Et il a de même dit, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. Et il a aussi dit: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, elle ne lui sera point agréée et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a de même dit: Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion agréée auprès d'Allah est l'islam. Donc la religion est l'islam. Et elle consiste à se soumettre et à s'asservir à Allah, le Seigneur, tabarak ismuhu wa ta'ala jadduhu. Et elle consiste notamment à suivre son livre, le Coran, et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, sans jamais les devancer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqu Allah inna Allaha sami'un 'alim. Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbad a'malukum wa antum la tash'urun. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Oh, vous qui croyez, ne devancez jamais Allah et son messager, et craignez Allah. Certes, Allah est audient et savant de toutes choses. Ô vous qui croyez, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète et ne haussez pas le ton lorsque vous vous adressez à lui, comme vous haussez le ton les uns avec les autres, de peur que vos œuvres ne deviennent vaines sans que vous vous en rendiez compte. Et ceux qui baissent leur voix en présence du messager d'Allah, voilà ceux dont Allah a purifié et guidé les cœurs vers la piété. À eux, un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'interpellent à haute voix depuis l'extérieur de tes appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, cela serait certes mieux pour eux. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc la religion, dans son intégralité, consiste à se contenter du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que de cheminer suivant ces deux fondements. Et lorsque fut révélé au messager sallallahu alayhi wa sallam le verset « Lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard » Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, et Allah est capable de toutes choses. La situation s'endurcit pour les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces derniers vinrent alors se plaindre auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dire « Ô messager d'Allah, il nous a été commandé de faire des choses que nous sommes en mesure d'accomplir, comme la salah, la prière, le siyam, le jeûne, le djihad, la guerre sainte et la sadaqa, le don d'aumône. Mais il t'a certes été révélé ces versets auxquels nous sommes incapables de répondre. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors « Aimeriez-vous dire, comme ont dit les gens du livre, les juifs et les chrétiens, avant vous ?» Nous avons certes entendu et désobéi. Dites plutôt, nous avons entendu et obéi. Pardonne-nous, ô notre Seigneur, et c'est vers toi qu'est la destination finale. Ils prononcèrent alors ces paroles, et ils prirent goût, à la suite de quoi Allah révéla « Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, wa qalu sami'na wa ata'na. » Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre sur lui, venant de son Seigneur, de même que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Et ils dirent « Nous avons entendu et obéi, pardonne-nous, ô notre Seigneur, et c'est vers toi qu'est la destination finale. » Après qu'ils eurent agi de la sorte, Allah tabarakasmuhu abrogea le verset en question en révélant sa parole La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah ne commande pas à une âme d'accomplir quelque chose que selon sa capacité. Ce qu'elle aura accompli comme bien sera en sa faveur, et ce qu'elle aura accompli comme mal sera en sa défaveur. Ô notre Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Il dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci vous a été accordé. Rabbana, wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ô notre Seigneur, ne nous charge pas d'un lourd fardeau, comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Il dit, ceci vous a été accordé. Rabbana, wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ô notre Seigneur, et ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Il dit, ceci vous a été accordé. Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna, anta maulana, fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Et efface nos fautes, et pardonne-nous, et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, fais-nous triompher sur les peuples mécréants. Il dit de nouveau, ceci vous a été accordé. Donc le fait de contester et de protester contre un quelconque ordre de la religion d'Allah est un égarement. Allah a dit La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il, Allah, n'est point interrogé sur ce qu'il fait, mais c'est plutôt eux, les êtres humains, qui devront rendre des comptes de leurs actes. Et le fait de devancer Allah et son messager est aussi de l'égarement et une folie qui mène l'homme à la perdition. Ibn Abi Mulaika a certes dit Les deux préférables, Abu Bakr et Omar, faillirent un jour se perdre. Cela parce que l'un d'eux dit un jour, ô messager d'Allah, désigne un tel de la tribu des Bani Tamim, et l'autre de dire, désigne plutôt un tel. Ils divergèrent ainsi en présence du prophète, et faillirent se perdre à cause de cela. Si ce n'était la miséricorde d'Allah, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, de peur que vos œuvres ne deviennent vaines sans que vous vous en rendiez compte. Et un certain compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait même dit, mes œuvres sont devenues vaines. Car je suis celui qui a la voix la plus forte auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai hausse la voix, même en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsque le prophète fut informé de ce qu'avait dit cet homme, il dit à l'un de ses compagnons, va le voir et informe-le qu'il ne fait pas partie des gens du feu de l'enfer, mais qu'il fait plutôt partie des gens du paradis. Car cet homme ne haussait pas volontairement la voix en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne s'agissait que de sa voix qui était naturellement forte. Adorateur d'Allah, certes parmi les plus graves, outrepassement des limites d'Allah et de son messager. Il y a cette fatwa, sentence jurisprudentielle, qui a été émise par certaines personnes, qui a beaucoup circulé et causé de nombreux troubles et agitations, qui informe qu'il serait permis pour un musulman de se faire exploser sous prétexte qu'il aurait tué des mécréants. Et cela est un grossier mensonge sur le livre d'Allah, le Coran et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également un mensonge à l'encontre de l'ensemble des preuves scientifiques tirées du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit « Wa la taqdulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima » Et ne vous suicidez pas, car Allah est assurément miséricordieux envers vous. Et il a aussi dit, Jalla fi'ula, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Un messager de parmi vous vous est certes venu, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Certes, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne le sont ces derniers envers leur propre personne. Il a en effet été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le récit de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'on amena une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam un groupe de prisonniers, au sein desquels il y avait une femme qui passait parmi les siens. Dès qu'elle voyait un bébé dans le besoin, elle le prenait et le collait contre son ventre, puis l'allaitait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit alors, « Pensez-vous que cette femme serait capable de jeter son enfant dans le feu ?» Nous répondîmes, « Non !» Si celle-ci aura eu la capacité de ne pas l'y jeter, il dit alors, sachez alors qu'Allah est plus clément envers ses serviteurs que ne l'est cette femme avec son enfant. Il est donc plus clément envers ses serviteurs. L'homme n'a ainsi aucunement le droit de disposer de sa personne à sa guise, car il appartient à Allah. Allah, tabarak ismuhu, a dit, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, certes ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a aucun associé et voilà ce qui m'a été commandé et je suis le premier à me soumettre. Donc en vérité, tu appartiens à Allah. Tu es un esclave asservi à Allah. Rien de ton corps, en réalité, ne t'appartient, ne serait-ce que l'un de tes ongles ou toute autre partie de ton corps. Tu ne possèdes rien de tout ceci, excepté ce au sujet duquel des preuves scientifiques religieuses ont été établies. Tu n'as ainsi aucunement le droit de te donner la mort, tout comme il t'est strictement interdit de disposer de ton corps comme bon te semble. Il a ainsi été rapporté dans les recueils de récits authentiques. D'après le récit de Wahb ibn Abdillah et d'Ibn Mas'ud, et d'Anas ibn Malik, et de Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anhum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de raccourcir les prières composées de 4 rak'a, unités de prière, durant le voyage, par miséricorde envers les gens. Ceci, afin qu'ils n'éprouvent aucune gêne dans l'accomplissement de leurs prières, durant leur voyage. Et dans le récit de Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle-ci dit, « As-salah, la prière, fut au début établie comme étant composée de 2 rak'a, que cela concerne le sédentaire ou le voyageur. Puis ce nombre fut maintenu concernant la prière durant le voyage, contrairement à celle du sédentaire, à laquelle il fut ajouté d'autres rak'a. Et Ibn Abbas a dit, celui qui aura durant un voyage prié les prières du dhuhr, du asr ou du isha en 4 rak'a, c'est comme s'il avait prié le sobr en 4 rak'a. Et la majorité des gens de science sont de cet avis, à savoir le fait de réduire les prières composées de 4 rak'a à 2 rak'a. Et en vérité, cela est obligatoire au vu des différents arguments scientifiques, comme vous venez de l'entendre. Tout cela par miséricorde de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, envers son esclave, l'être humain, afin qu'il ne ressente aucune gêne ou que cela ne lui soit préjudiciable, sachant que ses états de fait sont indépendants de sa volonté. Et notre Seigneur, tabaraka ismuhu, a certes dit, exposant que le voyageur devait raccourcir ses prières durant son voyage. Et lorsque vous êtes en voyage, il n'y a aucun mal à ce que vous raccourcissiez la prière. Pareillement à cela, il est permis aux musulmans d'accomplir le tayammum, le rituel de la purification à l'aide de terre si l'eau venait à manquer, si celui-ci craignait pour sa personne que l'utilisation de l'eau pouvait lui nuire, qu'il risquait de tomber malade ou que cela pouvait aggraver sa maladie, voire qu'il pouvait en mourir. Car il a en effet été rapporté d'après Amr ibn al-As qui a dit « Je fis une fois un rêve érotique en pleine nuit froide, lors de la rasoie de Dhat al-Salasil. Je craignis ainsi de tomber malade en utilisant l'eau froide lors du roussel, le grand lavage rituel. J'ai alors accompli le tayammum, puis ai dirigé la prière du sobh en commun avec mes compagnons. Ces derniers ont par la suite informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Et il me dit alors, « Ô Amr, tu as dirigé la prière en commun avec tes compagnons alors que tu étais en état de janab, de grande impureté ?» Je l'ai donc informé des raisons qui m'avaient conduit à ne pas faire le roussel et lui ai dit, « Je me suis basé sur la parole d'Allah, « Wala tartulu anfuzakum, inna Allah kana bikum rahim. » Et ne vous suicidez pas, car Allah est assurément miséricordieux envers vous. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se mit alors à rire et n'ajouta aucun mot. Il craignait donc de tomber malade ou que sa maladie ne dure. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, approuva son acte pertinent résultant d'une juste réflexion. Et dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit de Ka'b ibn Ujra, radiallahu anhu, qui a dit, alors qu'il était en état d'ihram, de sacralisation durant le hajj, le pèlerinage, on me porta un jour jusqu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que des pouces étaient propagés en grand nombre sur ma tête. Le prophète dit ainsi, je ne pensais pas te voir un jour souffrir comme je te vois souffrir maintenant. As-tu apporté avec toi un mouton pour le sacrifice? Je répondis non. Il dit alors, jeûne donc 3 jours, ou nourris 6 pauvres, auxquels tu donneras à chacun d'eux la moitié d'un sar, unité de mesure de l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui commanda donc de se raser les cheveux, dans le but de repousser ce qui lui était néfaste, et d'enlever ce qui lui était nuisible, quand bien même il était en état d'ihram, par mansuétude et bonté envers lui. Combien de choses Allah a-t-il ordonné de faire par miséricorde envers le musulman? Et combien de choses Allah a-t-il prohibé par miséricorde envers le musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ainsi à Ka'b, rase-toi la tête et sacrifie un mouton ou jeûne 6 jours. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna donc tout ce qui a été précédemment cité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit « Wala tartulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahim » et ne vous suicidez pas, car Allah est assurément miséricordieux envers vous. Il est question ici de provoquer sa mort. Et dans le recueil de récits authentiques de muslims, dans le récit de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui a dit « Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour en voyage, il vit une foule de gens rassemblés autour d'un homme à qui on faisait de l'ombre. Il dit alors « Que lui arrive-t-il ? » Les gens dirent, « Il est en état de jeûne. » Il dit alors, « Il ne convient pas de jeûner durant un voyage. » Et il est également évoqué dans ce même récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par la suite, à propos de certaines personnes qui avaient malgré cela continué à jeûner, et avec peine, « Ceux-là sont les transgresseurs. Ceux-là sont les transgresseurs. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les nomma ainsi « transgresseurs ». Car ils s'étaient exposés à travers cela à se faire du mal. Que dire donc s'ils avaient entraîné volontairement leur mort? Nul doute qu'il s'agit là d'un péché parmi les grands péchés, parmi les péchés capitaux. Il a ainsi été établi dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari de Muslim, d'après le récit de Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait jadis parmi les gens qui vous ont précédés, un homme qui fut blessé au point de ne plus supporter la douleur. Il prit alors un couteau et s'en tailla le bras. Son sang ne cessa alors de couler jusqu'à ce qu'il en mourût. Allah tabaraka wa ta'ala dit alors, « Mon serviteur m'a devancé en précipitant sa mort, en conséquence de quoi je le priverai du paradis. » Allah privera donc celui qui se sera suicidé du paradis. Regardez donc la dureté du châtiment auquel s'exposent ces gens, c'est-à-dire ceux qui se font exploser, en raison de leur imbécilité et irréflexion, de même qu'à cause de leurs mensonges à l'encontre du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour que l'on dise de lui que c'est quelqu'un de brave et de courageux, alors que l'imam muslim a rapporté dans son recueil du récit authentique, d'après le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la première personne qui sera jugée au jour de la résurrection est un homme qui aura été tué sur le champ de bataille. On le ramènera ainsi. Puis il sera rappelé ce bienfait de mourir sur le champ de bataille, ce qu'il reconnaîtra. Il lui sera alors dit, qu'as-tu avancé à ce sujet? Il répondra, j'ai combattu dans ton sentier, pour ta cause, jusqu'à me faire tuer. Il lui sera alors dit, tu as certes menti, mais tu as plutôt combattu, afin que l'on dise de toi que tu étais un vaillant. Et cela a été dit, puis on commandera qu'il soit traîné sur son visage, jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Il sera ainsi traîné jusqu'au feu de l'enfer. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque aura combattu pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, celui-là aura vraiment combattu dans le sentier d'Allah. Quant à celui qui aura combattu, puis se sera fait tuer, pour une toute autre raison, celui-là n'aura certainement pas combattu pour la cause d'Allah. Les attentats suicides sont un grand danger pour les musulmans, qui leur portent gravement atteinte. Et notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, a certes retardé la conquête de Mecque, la Mecque, justement pour ce même genre de raison, dû au dommage que cela leur aurait causé. Il a ainsi été dit, « Humul ladhina kafaru, wa sadduukum anil masjidil haram, wal hadya ma'kufa, an yablugha mahillahu, wa lawla rijalun mu'minun, wa nisa'un mu'minatun, lam ta'lamuhum, an yata'uhum, fatusibakum minhum, ma'arratun bighayri ilm, liyadkhul Allahu fi rahmatihim man yasha'u, law tazayyalu, la'adhabna alladhina kafaru minhum, adhaban alima. » Ce sont eux, les polythéistes mécois, qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin qui mène à la mosquée sacrée, à Mecca, et vous ont empêché que vos offrandes ne parviennent à leur lieu d'immolation. Et si ce n'était un groupe d'hommes croyants et de femmes croyantes parmi les mécois que vous ne connaissez pas, que vous auriez pu tuer sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible, afin qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et si ces croyants s'étaient démarqués, nous aurions alors certainement châtié ceux qui avaient mécru parmi les Mécois d'un châtiment douloureux. Et ces gens, dont ils n'avaient nullement connaissance, étaient en petit nombre. Ainsi, si ces gens qui étaient croyants étaient sortis de Mecca, ou s'ils s'étaient démarqués des polythéistes Mécois, ou s'étaient séparés d'eux, Allah aurait certainement permis aux musulmans de s'abattre sur les mécréants et de les dominer. Mais dès lors que ce groupe de musulmans se trouvait au milieu des mécréants, mélangés à eux, au point de ne pouvoir distinguer le mécréant du musulman, Allah reporta la conquête de Mecca. Tout cela juste à cause d'un certain nombre de personnes. Il est donc formellement interdit aux musulmans de porter atteinte aux musulmans, car son sang, ses biens et son honneur sont sacrés. Il s'agit donc là d'un grand préjudice, d'un énorme préjudice. Et si la situation est telle, il est donc obligatoire de repousser ce préjudice et de prévaloir cela sur tout intérêt ou profit que l'on pourrait tirer. Car notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit dans son livre « Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighayri ilm » كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Et n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, de crainte qu'ils n'insultent Allah par agressivité et ignorance. C'est ainsi que nous avons enjolivé à chaque communauté leurs propres actions. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Ibn Kathir a dit, ainsi que d'autres personnes parmi les gens de science, l'avantage que l'on peut tirer de nuire aux mécréants, ainsi que d'insulter leurs idoles, s'oppose avec un grand dommage qui affectera les musulmans par la suite. C'est pour cette raison qu'Allah défendit d'injurier leur divinité et leur statut. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes dit, « Ô Aïcha, si ce n'était ton peuple qui vient de sortir fraîchement du polythéisme, j'aurais sûrement démoli la Kaaba et aurais réduit sa hauteur, et je lui aurais établi deux portes, une dirigée vers l'Orient et l'autre vers l'Occident, et je l'aurais allongée de 6 coudées du côté du Hijr, car le peuple de Quraysh l'a raccourci par rapport aux fondations sur lesquelles elle a originellement été bâtie. » Et le récit a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques. Et également rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le récit de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes parmi les plus grands péchés, il y a le fait de maudire ses parents. On dit alors, ô messager d'Allah, comment quelqu'un pourrait maudire ses propres parents? Il dit, en insultant le père de quelqu'un. Ce quelqu'un réplique alors, en insultant le père de celui qui l'a insulté, de même que sa mère. Donc comme cela est un moyen de nuire aux parents, l'interdiction formelle fut établie. et cela fut considéré comme faisant partie des grands péchés. Tout comme cet acte qu'accomplissent ces Hamasiyoun, ces allumés et irréfléchis, qui mènent et qui a pour conséquence de causer des torts et des dommages aux Muslimoun, ainsi un seul parmi les mécréants se fait tuer. En conséquence de quoi, des centaines de Muslimoun se font tuer. C'est là un préjudice monstrueux. Et l'origine de cette escalade ne provient que de ces écervelés, dû à leur bêtise et leur excitation, ainsi qu'à leur absence de jugement à partir du livre d'Allah et de la Sunna. Et parmi ces dommages, il y a le fait de tuer les femmes et les enfants, quand bien même cela se passerait dans le champ de bataille, car cela est strictement interdit. Et ces explosions conduisent indubitablement à tuer des femmes et des enfants, et également des innocents. Il a en effet été rapporté dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le hadith d'Ibn Umar, qui a dit, un jour, lors d'une razwa, avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une femme fut trouvée morte tuée. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interdit alors de tuer les femmes ainsi que les enfants. Quand bien même celle-ci se trouvait en plein milieu des combats. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit « L'ensemble des savants sont unanimes quant à l'interdiction de tuer les femmes et les enfants, tant que ceux-ci ne participent pas au combat. Quand bien même il s'agirait de mécréants. » Et dans le recueil de récits authentiques de muslims, dans le récit de Buraïda, radiallahu anhu, qui a dit « Lorsque le messager d'Allah désignait un émir pour commander une armée ou une troupe, il le conseillait et l'exhortait à titre personnel, à la crainte d'Allah, de même qu'il recommandait le bien à l'ensemble des combattants. Puis il disait, partez en razoua au nom d'Allah, pour la cause d'Allah, tuez quiconque mécroira en Allah, combattez et ne détournez rien du butin, et ne trahissez pas, et ne mutilez pas, et ne tuez point d'enfants. C'est ainsi qu'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Khalid avait tué des femmes et des enfants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit ainsi, « Oh Allah, je me désavoue de ce qu'a fait Khalid. » Et il dit cela par deux fois. Et ce qui nous intéresse dans tout ceci, est que ces attentats suicides causent beaucoup de dégâts, et que de cela en découlent de nombreux dommages pour l'islam ainsi que les muslimouns. Il est donc strictement interdit de se taire à ce sujet. Pire encore, de légitimer ses actes et de considérer son auteur comme étant un courageux et un brave. Par Allah, comment les compréhensions ont été bouleversées et changées. Et comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que parmi les signes de la fin des temps, il y aura l'apparition et la multiplication des imbéciles ignorants qui parlent sur des sujets d'ordre général. En effet, il a été rapporté d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit il viendra assurément aux gens des années de tromperie et de traîtrise durant lesquelles on croira le menteur et on démentira le véridique et on fera confiance au traître et on émettra des doutes sur le digne de confiance. Et Ar-Ruwaybida parlera. On dit alors, et qui est Ar-Ruwaybida? Il répondit, il s'agit de l'imbécile ignorant qui parle sur des sujets d'ordre général qui concernent la masse des gens. Donc ô toi le mufti menteur, tu n'as absolument pas le droit de mentir sur la religion d'Allah, car cela est totalement faux. Ceci n'est dû qu'au Hamas, la fervente excitation, de même qu'à l'irréflexion, et n'est aucunement issu du livre d'Allah et de la Sunna. Et entre vous et nous, il y a le livre d'Allah et la Sunna. Serviteur d'Allah, il a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le récit de Sahr ibn Sa'd al-Sa'idi radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattit un jour des mécréants. Puis vint un moment d'accalmie, durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejoignit l'arrière-garde de son armée. Et l'ennemi en fit de même. Et ce jour-là, parmi les gens qui combattaient aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se trouvait un homme vaillant et combatif comme personne, qui ne cessait de pourchasser l'ennemi, les frappant avec son épée, ne leur laissant aucun répit. Au point que les gens dirent à son sujet, nul parmi nous n'était plus vaillant au combat aujourd'hui que ne l'était un tel. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, il fait certes partie des gens destinés au feu de l'enfer. Quelqu'un parmi les gens dit alors, je ne vais pas le lâcher. Puis il alla rejoindre l'homme en question. À chaque fois qu'il avançait dans le champ de bataille, il avançait avec lui à distance. Et lorsqu'il s'arrêtait, il s'arrêtait avec lui. Puis le brave homme fut gravement blessé. Et sa blessure s'aggrava tellement qu'il ne put patienter, au point où il précipita sa mort. Il posa ainsi le manche de son épée au sol, et sa pointe sur sa poitrine, puis il s'appuya lourdement dessus, jusqu'à ce que celle-ci lui transperce le torse, et il se suicida. L'homme, qui l'observait, se précipita alors vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, « Je témoigne que tu es le messager d'Allah !» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, « Et pour quelle raison dis-tu ceci ?» L'homme dit, « As-tu vu la personne à propos de laquelle tu as dit il y a peu de temps qu'il faisait partie des gens destinés au feu de l'enfer et que les gens furent surpris de cela ? Je leur ai ainsi dit, je ne vais pas le lâcher et m'en vais l'observer pour vous. Je suis donc parti le rejoindre pour l'observer. Puis il fut gravement blessé et précipita sa mort. Il posa le manche de son épée au sol et sa pointe sur sa poitrine et s'appuya ainsi lourdement dessus jusqu'à ce que celle-ci lui transperce le torse et se suicida. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit ainsi, « Il est certes possible qu'un homme accomplisse des actes des gens du paradis en apparence, alors qu'il fasse en réalité partie des gens destinés au feu de l'enfer, tout comme il est possible qu'un homme accomplisse des actes des gens de l'enfer en apparence, alors qu'il fasse en réalité partie des gens du paradis. » Et l'imam muslim a rapporté dans son recueil du récit authentique, le récit d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que l'on apporta un jour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la dépouille de quelqu'un qui s'était suicidé, afin qu'il prie sur lui. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, refusa de prier sur lui. Et dans les deux recueils du récit authentique, dans le récit d'Abu Huraira, radiallahu anhu, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, « Quiconque se sera suicidé en sautant d'une falaise se retrouvera au jour de la résurrection dans le feu de la Géhenne, en train de sauter d'une falaise et il y restera pour l'éternité. Et quiconque se sera suicidé en avalant du poison se retrouvera au jour de la résurrection dans le feu de la Géhenne, en train d'avaler du poison et il y restera pour l'éternité. Et quiconque se sera suicidé à l'aide d'un objet en fer se retrouvera au jour de la résurrection dans le feu de la Géhenne, l'objet dans sa main, en train de se frapper le ventre avec, et il y restera pour l'éternité. » Et du même ordre, dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim, dans le récit de Thabit ibn Dahhak, radiallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Quiconque aura juré par une religion autre que l'islam, en mentant volontairement, sera jugé en tant que tel, et quiconque se sera suicidé à l'aide de quelque chose, Allah le châtiera à l'aide de cette chose dans le feu de la Géhenne. Celui donc qui se sera suicidé par balle, ou à l'aide d'un couteau, ou d'une grenade, ou par tout autre moyen, avec lequel il se sera tué, celui-là sera assurément châtié le jour de la résurrection. Toutes ces preuves, ils les mettent de côté et se basent et s'appuient plutôt sur les opinions et les accommodations en refusant de se soumettre au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup d'entre ceux qui suivent ces gens, qui font prévaloir leurs raisons et leurs avis, sont des ignorants. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Amma ba'd. Toutes les louanges sont à Allah. Nombreuses, bonnes et bénies, ceci étant dit. Ainsi, l'attentat suicide est considéré comme une précipitation de la mort. Et dans le récit de Khabbab, qui a dit un jour, alors qu'il était tombé gravement malade, et s'était cautérisé par cette fois à l'endroit où il souffrait, si ce n'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a interdit de demander à mourir, je l'aurais certainement demandé. Plus tard, des gens vinrent le visiter, après que son état s'était nettement amélioré, et les trouvèrent en train de construire un mur. Et il leur dit alors, « Certes, le muslim est récompensé dans toute chose qu'il avance et dépense, excepté pour une chose qui le précipitera dans cette terre, c'est-à-dire le suicide. » Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le récit de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Que personne d'entre vous n'espère mourir à la suite d'un préjudice qu'il aura subi. Et si la situation est telle qu'il ait du mal à patienter, qu'il dise alors, « Oh Allah, maintiens-moi en vie, tant que la vie est un bien pour moi, et fais-moi mourir, si la mort est un bien pour moi. » Et dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit de Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Que personne d'entre vous n'espère mourir, car s'il a du nombre des bienfaisants, il se peut que son maintien en vie lui permette d'augmenter le bien pour lui. Et s'il est une mauvaise personne, il se peut que son maintien en vie lui permette de se repentir. » Et aussi d'après le récit de Abdullah ibn Busr, qu'un bédouin dit un jour, « Ô messager d'Allah, qui est le meilleur des gens? Il dit, celui dont les œuvres se bonifient avec l'âge. Et le plus mauvais est celui dont les œuvres empirent avec l'âge. Et le fait que le musulman se maintienne en vie est meilleur pour lui. Le fait qu'il reste plusieurs années ou même quelques jours est meilleur pour lui que de mourir et de se faire exploser, quelle que soit la nature de ses actions. Et cela, s'il s'agit d'un bienfaisant, que dire donc de celui qui se donne la mort? Adorateur d'Allah, cela est considéré comme de l'irréflexion et de l'insouciance, dû au fait qu'il est fort probable que ces gens qui se suicident portent préjudice à des pauvres gens innocents, car il se peut que parmi les victimes de ces attentats perpétrés dans le pays de mécréants se trouvent des muslimounes, que ces attentats aient lieu dans des transports en commun ou dans des restaurants, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'injustice sera-t-elle des ténèbres au jour de la résurrection ?» L'injustice sera ainsi telle des ténèbres le jour de la résurrection. Que chaque musulman craigne donc Allah en lui-même, que chaque individu craigne Allah dans sa propre personne, et qu'il se juge lui-même à partir des preuves scientifiques religieuses, et qu'il ne fasse pas prévaloir sa raison, sa réflexion et son esprit sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de suivre les pas du diable et les passions précipitent vers le gouffre de l'enfer. Allah tabarak ismuhu a dit: Ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas de Shaitan, le diable, et quiconque suit les pas de Shaitan, sachez alors que celui-ci ordonne la turpitude de le blâmable, et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, personne d'entre vous n'aurait été purifié, cependant qu'Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Il le purifie à travers l'obéissance par le biais du livre d'Allah et de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: épargnez-moi vos questions au sujet des choses que je vous ai délaissées, car ce qui a causé la perte des communautés qui vous ont précédé est le fait qu'ils posaient trop de questions à leur prophète ainsi qu'à leur opposition à ces derniers. Donc si je vous ai interdit de faire quelque chose, abstenez-vous-en. Et si je vous ai commandé d'accomplir quelque chose, accomplissez-le selon votre capacité. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commandé ses compagnons d'aller se tuer au milieu des mécréants. Il ne l'a pas fait lui-même, ni autre que lui parmi ses compagnons, ridwanullahi alayhim. Mais ces derniers condamnaient plutôt fermement cet acte, à savoir le suicide. Et quant au récit de Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, qui se trouva un jour dans une région de juifs, et qui eut un contentieux avec l'un d'eux, jusqu'à en venir aux mains, puis que Amr s'asséna involontairement un coup d'épée à la jambe, ce qui provoqua sa mort, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dirent alors: les actions de Amr sont certes devenues vaines. Amr a certes couru à la perdition. Les actions de Amr sont certes devenues caduques. Ils ont ainsi considéré cet acte comme étant un suicide et un crime, comme faisant partie des grands péchés, alors qu'il ne s'était donné ce coup d'épée que par erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ensuite informé de cela et dit: oh que non, il en sera plutôt récompensé doublement. C'est-à-dire qu'il ne s'était pas suicidé, mais qu'il avait plutôt combattu dans le sentier d'Allah, et qu'il n'avait précipité sa mort qu'involontairement par erreur, et qu'il en sera donc, et à juste titre, récompensé. Donc ces gens qui légifèrent les attentats suicides s'argumentent avec ce genre de preuves, ou plutôt avec ce genre d'ambiguïté. Et du même genre que l'histoire d'Al-Bara ibn Malik, le frère d'Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Alors qu'il n'y a dans ce récit aucun argument en leur faveur, car cet homme, Al-Bara ibn Malik, était brave et courageux. Et le fait le plus remarquable qu'il y ait évoqué dans ce récit est lorsqu'il dit: portez-moi à l'aide de ce bouclier et jetez-moi au milieu d'eux. C'est-à-dire au milieu des mécréants qui s'étaient barricadés derrière un enclos mural dont la porte avait été fermée. Ils le portèrent ainsi et le jetèrent de l'autre côté du mur avec son épée. Il combattit ainsi les mécréants et facilita l'attache aux muslimounes en parvenant à leur ouvrir la porte, puis les muslimounes combattirent les mécréants. Donc, est-ce qu'Al-Bara a pris son épée pour se suicider avec? Oh, vous les hallucinez! Il n'a absolument pas agi de la sorte et ne s'est pas suicidé. Et il n'y a assurément pas dans ce récit la moindre argumentation quant au fait qu'il se soit donné la mort. Les plus importants points que l'on pourrait souligner dans ce récit concernent la permission, en temps de guerre, de tuer les mécréants et également le fait de faire preuve de courage et de bravoure face à eux, de même que de ténacité. Puis si le musulman venait à être tué après cela, ce sera alors certainement bien pour lui. Mais quant au fait de précipiter sa mort volontairement, cela n'est pas arrivé aux compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient les plus éloignés quant à l'accomplissement de cet acte, de même que quant à s'écarter du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à mentir sur les preuves scientifiques, car ce sont ceux qui craignaient le plus Allah, tabaraka wa ta'ala, à ce sujet, comme tu as pu l'entendre dans le récit de Amr, serviteur d'Allah. Il n'y a donc pas la moindre preuve provenant du livre d'Allah, ni de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui soit en faveur de ces gens, concernant ceux qui disent et prétendent suivre en se basant dessus, si ce n'est le Hamas, la fervente excitation, de même que les passions. Ce ne sont donc que des gens qui font prévaloir leur raison et leur opinion sur les preuves scientifiques tirées du Coran et de la sunna, comme cela a été dit précédemment. Et Allah nous suffit contre le mal de ces gens, et il n'y a pas meilleur garant que lui. Allah tabaraka wa ta'ala a certes dit: Ya Daoudou, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bayna an-nasi bil haqqi, wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah, inna alladhina yadilluna an sabilillah, lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. Allah dit à son prophète Daoud, David: Ô Daoud, nous avons certes fait de toi un calife sur terre. Juge donc en toute justice et équité entre les gens et ne suis pas les passions, sinon elles t'égareraient du sentier d'Allah. Et ceux qui s'égarent du sentier d'Allah subiront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya dhalika mablaghuhum min al-ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Écarte-toi donc de celui qui tourne le doigt à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît mieux que quiconque ceux qui s'écartent de son sentier et connaît mieux que quiconque qui sont les bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'ouna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinat al hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa taba'a hawa wa kana amruhu furuta. Et endure avec patience aux côtés de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en recherchant les artifices de la vie de ce bas monde, et n'obéis pas à ceux dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, et qui suit ses désirs passionnels, et dont le comportement est outrancier. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.